Deuxième partie, une soirée au théâtre. Monsieur le voisin a téléphoné. Il nous invite à aller au théâtre. Qui? Toi et moi? Non, tous les quatre. Et il va amener sa femme. Il a retenu les places? Oui. Pour quand? Malheureusement, pour ce soir. Pourquoi malheureusement? Tu sais bien que je suis prêt à aller au théâtre n'importe quand. Ce sont des billets rapportés par un monsieur. Et nous allons voir quoi? Le médecin malgré lui. Tu sais que les comédies de Molière me plaisent beaucoup. Tu as accepté? Bien sûr. À quel théâtre allons-nous? Ah, devine. Ça doit être au Français, à Chaillot, peut-être au théâtre de la ville. Alors, auquel? Au Français. Les pièces du répertoire classique m'ont toujours plu. À propos, Valérie n'est pas sortie? J'espère que non. Georges est de service ce soir, alors elle ne va pas pouvoir sortir avec lui.